إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع ما سطره أحد طلبة الشيخ ناصر رحمة الله عليه في كتابه من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم، يقول حفظه الله تعالى: كلمات أكتبها لأذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها، أذكر بجيل ينبغي أن تضمه الأفئدة وتحتضنه القلوب لنظل معه ويظل معنا في صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجهادنا وأخلاقنا وسلوكنا. ابتداؤنا بهم يجلب لنا السيادة، والتخلق بأخلاقهم يأتي لنا بالقيادة، وحبنا لهم يأتي بالسعادة. maintenant on va prendre un passage de ce qu'a écrit l'un des élèves de Cheikh Nasser rahmatullah alayh wa hafizallah tilmidah. Il dit: ce sont des choses que j'ai écrites pour me rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères et à mes sœurs à l'est et à l'ouest de la terre, pour le rappeler et pour me rappeler cette génération que nous devons avoir dans le cœur et aimer par notre cœur, et pour qu'il soit toujours présent à notre esprit et qu'il soit toujours présent comme modèle pour nous dans notre prière, dans notre comportement, dans notre façon de faire, etc. Parce que les prendre comme exemple, c'est ce qui nous donne la suprématie. Et les prendre comme exemple, c'est ce qui nous élève et qui nous met sur la voie. Et le fait d'essayer d'avoir leur comportement, c'est ce qui va nous donner le fait d'être en avant de tout. Et notre amour pour eux, c'est un bonheur. يقول حفظه الله: وأحزناه وألماه إننا مبتلين بهذا الليل البهيم المدلهم إلا بتنكبنا عن منهاجهم وطريقتهم، فألفنا الذل والمهانة، وأصبح العز صعب المنال، وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها، وطمع فينا الطامعون، وتنازع علينا الكفرة والمشركون، وتسابقوا لاستعبادنا وغزلنا ونهب خيراتنا وإشعال لهيب الفتن بين أبناء أمتنا. إنه لا ينجينا مما نحن فيه من بلاء إلا أن نعود لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتبع غير سبيلهم بالتخلي عن هدايتهم واستحقاقهم عذاب جهنم وساءت مصيرا. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشيخ ذكرت لا تريستيس كي لفي يكريك سو باساج دي كي المالور كي المال دون كي نسوم نسوم يبروفي dans ces ténèbres. Si nous nous sommes éprouvés, c'est parce que nous nous sommes égarés. Nous avons divié de leur voix. Et nous avons pris goût à l'avilissement et à la bassesse. Et l'honneur et la gloire et la suprématie est devenue très dure à obtenir. et les communautés sont tombées sur nous, comme tombent les invités sur leur plat. Et ils se sont disputés cette communauté, ce moment, et la sont divisée, etc. Et ils ont accouru pour nous avilir et pour nous rabaisser. Et ils ont allumé le feu des perturbations chez les jeunes de la communauté. Et cher de continuer de dire, nous ne sauvera pas dans cette épreuve dans laquelle nous sommes, sauf si nous revenions vers le livre d'Allah Azza wa Jal, il a sunna de son prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, sur la voie des puisailleurs qui sont les compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a averti ceux qui prennent un autre chemin que le chemin des croyants, qui prennent une autre guidée que la guidée des croyants, par un châtiment. Le châtiment, c'est l'enfer. Dans Sourate Nisa, verset 115, dans cette traduction approximative du verset, celui qui prend un autre chemin que le chemin du prophète alayhi sallam, après avoir connu la guidée qui suit, le chemin, un autre chemin que le chemin des croyants. Ici, il s'agit des compagnons du prophète alayhi sallam. Nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera Jahannam. ذلك الجيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلا الفرقة التي ينجو من يسير على نهجها ويهلك من يتنكب عنها. Cette génération à propos duquel le prophète عليه الصلاة والسلام a dit la meilleure des générations, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent. La génération des compagnons, la génération de leurs successeurs qui sont tabi'in, et la génération d'Asbah tabi'in qui sont les successeurs des compagnons du prophète. Le hadith il est chez Muslim, dans Fada'il Sahaba. Ce groupe, celui qui suit son chemin, va être sauvé, et celui qui divise son chemin va à sa perte. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وغيره وحققه الشيخ ناصر رحمه الله عليه بجميع طرقه وله شواهد عند طبراني في الاوسط والصغير ورحم الله محققي هذه الامه ومحدثي هذه الامه رحمه واسعه قال صلى الله عليه وسلم الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et dans un hadith authentifié par plus d'un savant parmi les savants de cette communauté, et authentifié par Cheikh Nasser Rahmatullah alayh, et rapporté par plus d'un dans le recueil du hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui étaient avant vous, parmi les gens du livre, en parlant des gens du livre, ils se sont divisés en 72 sectes, cette communauté se divisera en 73 sectes, 72 sectes sont en enfer, et une sera pour le paradis, c'est le groupe. Dans une version qui explique cette version-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il lui a demandé c'est qui le groupe, il a dit ceux qui sont sur la même voie que moi et mes compagnons. Et ce passage là, cette phrase là, il est expliqué, il a été authentifié par Cheikh Nasser rahmatullah alayhi, il est chez Tabarani dans l'Awsat. ذلك الجيل الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره لا تسبوا أصحاب محمد. Cette génération à propos duquel Ibn Omar رضي الله عنهما a dit n'insultez pas les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, car la place de quelqu'un parmi eux, une heure de leur vie vaut mieux que vos actes, toute votre vie. من أجل هذا وغيره. يقول الشيخ حفظه الله: رأيت أن أكتب في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تحفزني وإخواني للتأسي بهم والسير على منهاجهم ولتدفعنا إلى العمل الدائب المستمر، وعسى بذلك نجني ثمار حبهم عملا صالحا وسلوكا فاضلا وأخوة صادقة ومحبة نقية ومصيرا مبهجا. C'est pour ça, Cheikh, il dit, j'écris dans, sur la vie de ces nobles compagnons du prophète Al-Islam pour que ça me pousse, ça me motive, moi et mes frères, pour les prendre comme exemple et pour marcher sur leur voie et prendre leur chemin. Est-ce que cette biographie soit le leitmotiv pour œuvrer sur leur chemin et être constant sur leur voie? Et peut-être qu'avec ça, nous allons récolter le fruit de leur amour, le fait de les aimer. Et nous allons œuvrer et faire des bonnes œuvres et avoir un bon comportement, une fraternité véridique et un amour pur et une bonne fin, Inch'Allah. Et يقول الشيخ الآخر: صلى الله عليه وسلم على عملي خالصا لوجهه الكريم وأن يرفع بي درجتي يوم القيامة إنه على كل شيء قدير، آمين. فنأخذ في معنى وله رحمه حفظه الله تعالى مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال له عبد الرحمن رضي الله عنهما: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وثمن، قال: ثم باع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زينة نوات، أي كم أديت في الصداق، زينة نوات من ذهب أو نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. فقال سعد بن الربيع: ستة. Cette histoire nous raconte quand le prophète alayhi salam, il a fait la fraternité à, entre le muhajirun et l'ansar, les alliés de Médine, que chacun ansari devait prendre un parmi le muhajirun comme frère. Et ici l'histoire concerne Abd al-Rahman ibn Auf, Saïd ibn Rabi'a radiallahu anhuma. Ibrahim ibn Sa'd nous rapporte de son père, de son grand-père, a dit qu'Abd al-Rahman ibn Auf radiallahu anhu a dit: quand nous sommes arrivés à Médine, le prophète alayhi salam a fait la fraternité entre eux, entre l'Ansar et le Muhajirin. Et il a dit: le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait la fraternité entre moi et Saad ibn al-Rabi', c'est-à-dire Aouf ibn al-Rahman dit entre moi et Saad ibn al-Rabi'. Saad ibn al-Rabi' a dit: inni, je suis l'homme de Médine qui a plus d'argent. Ben écoute, hein, je suis l'homme de Médine qui a le plus d'argent. Je partage mon argent avec toi. je partage mon argent avec toi. اسمعي التي تحرك بجيب ولد لخشيدك بجيبه انت عندك ها ولا خفلت الزين داكشي اللي تجيبه كان ها دونك جي جو سوي لا فير بلوس دارجون جو لو بارتاج انت مو اي تو ها اي روغارد parmi mes femmes celle qui te plaît c'est-à-dire je la dévore. Et quand il aura terminé sa période, tu peux la prendre comme épouse. Hé hey, hé, hey. Je partage avec toi mon argent. La femme que tu veux parmi mes femmes, je la divorce. Une fois que ça est terminé, tu la prends comme épouse. Subhanallah. Hein? Tabhad. Et Abdelrahman lui a dit, j'ai pas besoin de ça. Est-ce qu'il y a un marché dans lequel il y a du commerce? Sauf, ils ne profitent pas des équations humains. Hein? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une place du commerce? Rabbi lui a dit, oui, le marché de Qaynuqa. Le marché de Qaynuqa. Le lendemain matin, Abdurrahman ibn Aouf, radiallahu anhu wa ardah, il a été là-bas, il a acheté l'iqat. L'iqat, c'est le fromage blanc, ils font cailler le lait, ils le font sécher, ils se vendent. Et quand ils sont en voyage, ou là, quand il n'y a plus de lait dans l'air, ils le mettent dans de l'eau, après ils l'utilisent. Hein? Soit on les caille, soit ils l'utilisent, ils trempent le pain dedans, etc. C'est une façon de faire du fromage. Hein, qui existait chez les Arabes, même en péninsule arabique là-bas. Et du beurre. Il a acheté Adam le fromage, mais ce sont des boules sèches déjà, et le beurre. Et le lendemain matin, il a fait le commerce. Et après, il est arrivé un jour, il y avait des taches jaunes. Ces taches-là sont les traces d'El Zafran. Vous connaissez le safran? Vous avez vu, avec les taches qu'il y avait. Rasulullah, il l'a vu, tu t'es marié. Hein? Tu t'es marié? Il lui a dit, oui, je suis marié. Il a dit, avec qui? Il a dit, avec une femme parmi l'Ansar. Il lui a dit, combien tu lui as donné au niveau de sa dot? Il lui a dit, le poids d'une date en or, de Nawat, c'est le noyau. D'un noyau de date en or. Ou là, le noyau, l'équivalent d'un noyau en or. Rasulullah l'a dit, Aoulim ou l'Aubichat, c'est la fête du mariage, même avec une brebis. Ça, Saad Hada, mon rabbi, قال, Shma. هذا الأنصار الذي أخاه الرسول مع المهاجرين قال إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي إني أكثر الأنصار مالا لم يقل إني ذو مال ولكن أكثر منهم قاع كلهم راه ماشي قال لي عندي فلوس قال لي أنا أكثر منهم أنا قاع اللي عندي فلوس عليهم في هذه المدينة هذه ها وما قالش راه عندي شي حاجة شي بركة قليلة وما بحث على شي فتاوى ولم يبحث عن فتاوى ومعارض لإنكار المال ما يقلب على شي سبب باش ينكر داك الشيء اللي عنده لأنه آخر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف لم يقل إن علي ديونا كثيرة ليصد بها أخاه أو ليس وهذه يحلنا يا أخوي قبير با يتسلك منه لكن غالب الله ودي كذب كذب ما بغيت نسلفك علاش تكذب كاع زيد هذا الكذوب سلفك وقت واعره اذا سلفنا خاصنا نتخاتمو ولا كذا بحال هكا ومن نعلم الكذوب ها من نعلم الكذوب نزيدو حتى الكذوب حتى هي ها فما اقلب على حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا قال ليه داكش اللي كاين ولا بغيتي نقسمه ونقسمهم معك ماشي قال ليه الا بغيتي نقسمه نقسمهم معك هذا سعد بن الربيع الى دي جي سوي سيلوي كي البلوس دارجون ا ميدين جو بارتاج افيك توا او موتي موتي الى با دي جي دو لارجون لا الى دي جي سوي جو سوي سيلوي كي البلوس دارجون الى با دي جي بو دارجون pour commencer à s'esquiver pour ne pas subvenir aux besoins de son frère ou là. Il n'a pas cherché une fatwa ou quelque chose pour ne pas dire ce qu'il a. Là, il a dit ce qu'il a. Il n'a pas dit j'ai 10 crédits, j'ai beaucoup de crédits à payer pour Zama. Allah ne me demande rien. Et passe ton chemin. Hein? Regarde cette situation et dans la nôtre. Ton gars, il vient lui demande, prête-moi tant. Wallah, il est clair, subhanallah. Pourquoi tu jures et tu mens? Pourquoi mentir? Je ne peux pas te prêter. J'ai d'autres choses, j'ai des choses à faire. Mais pour finir, l'affaire est arrêtée là. Je ne peux pas te prêter. Et l'affaire est arrêtée. Pourquoi? Wallah, j'ai pas, wallah, hein? Et voit ici qu'il est en train de mentir et il jure en plus, hein? Là, regarde la situation, notre situation, il a l'air. Faqsim laka nisfa mali, la yuridu an i'tiyahu darahim, mahdouda, ou la danarir mahdouda, lakin nisf. Il a dit, je te partage avec toi. Pas voulu lui donner quelques dirhams, ou là quelques euros, comme ça, hein? Bien, là, il a dit, je partage entre moi et toi. يا للعجب من هذه النفوس كل situation extraordinaire que la situation des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام d'où on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour accompagner le prophète عليه الصلاة والسلام pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que leur chemin soit le chemin qui l'a gré إنها نفوس غير النفوس التي نعرف ونشاهد sont des êtres qui sont particuliers à ceux avec lesquels à nos contemporains et à nous-mêmes hein, sont très particuliers par rapport à nous. Nufusun istamaddat hadha al-khuluq al-zaki min kitab Allah ta'ala. Nufusun ta'affarat al-tadhhiya fiha min nahj an-nubuwwa. Nufus hadha al-khuluq hadha khaduhu min kitab Allah. وهذا الخلق هذا تربوا عليه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم تصر فيهم من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم sont des gens ce noble comportement ils l'ont eu du livre d'Allah عز وجل et ce noble comportement et c'est un ils l'ont pris c'est le rasul صلى الله عليه وسلم qui l'a ancré en eux c'est l'éducation du prophète عليه الصلاة والسلام qui l'a ancré en eux أقسم لك نصف مالي إننا مع الأسف نرى ذوي الأرحام الأقارب لبعدهم عن الدين قد أقصوا هذا التعامل بينهم il y a des grands regrets nous voyons même dans les familles relations de sang hein, il est proche parce qu'ils sont loin de la religion ils sont loin de la voie du prophète etc ce comportement et cette façon de faire, ils l'ont annulé de leur vie, inexistante. Qu'est-ce que Sa'd ibn Yaf'al hadha ma'a Abd al-Rahman ibn Awf radhiyallahu anhu? Comment il en est de Sa'd qui fait ça avec quelqu'un qui ne connaît pas? Ne le dit avec lui que la religion d'Allah Azza wa Jal et cette fraternité avec laquelle Rasul Sallallahu alayhi wa sallam les alliés. Ce n'est ni le fils de sa mère, ni le fils de son oncle, mais point de là. إنها الأخوة في الله. إنها الأخوة في الله. C'est la fraternité pour Allah عز وجل. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. رسول صلى الله عليه وسلم. آه. Les alliés. Qui les deux. وأي أخوة أعظم من هذه الأخوة. Et quelle fraternité mieux que celle-ci. Peut être mieux que cette fraternité. أي ألفة يمكن أن تكون أحسن من هذه الألفة؟ Et quel amour et liaison peut être mieux que celle-ci? Mu'akhatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le prophète les a fait frères. Mu'akhatul Din. La fraternité pour la religion et dans la religion. Ya laha min mu'akhatin fillah adhabatil maddiya wa saharatil mawazinil batila. Qu'il est grande cette fraternité qui a fait fondre le matérialisme. Hein? Et qui a fait fondre les balances fausses et les fausses valeurs. Inna at-tamassuka bihablillahi ta'ala yunqi al-qulub wa yaj'alha tattali' tatatawalla ila as-sama'. يجعلها تنظر إلى الآخرة، يجعلها تسير في درب الإيثار وطريق التضحية وسبيل الوفاء والبذل والعطاء دون ما كلل أو تعب. Le fait de se cramponner à la cause d'Allah Azza wa Jal, à l'an solide, cela purifie les cœurs. Il fait que ces cœurs voient ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve, le lointain. Allah subhanahu wa ta'ala réserve. Et qu'ils regardent ce que Allah subhanahu wa ta'ala réserve dans le delà. Regarde plus au bout, le bout du nez. Quelque chose qui les dépasse. Quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé dans le delà. Il sait que ils marchent dans leur vie. Wa alaykum salam wa rahmatullah. En faisant passer les besoins d'autrui sur leurs besoins eux-mêmes. Et ils savent. وهذا أمر صعب جدا في زماننا. ceci faire passer les besoins du frère avant tes besoins, c'est une situation très difficile à notre époque. Et هما c'était leur comportement. ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Ils font passer les besoins d'autrui même si eux sont dans le besoin. Ça c'est le chemin du sacrifice. Ce sacrifice ils l'ont appris dans la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est la voie de l'accomplissement. Ils ne se sont pas fatigués sur cette voie à donner pour Allah et à défendre pour Allah et à sacrifier pour Allah et à faire passer les besoins de leurs frères pour Allah, etc. وَهَلْ أَرَادَ سَعْدُنَا نُبَيْهِ عَمَالَهِ. Est-ce que Saad, en agissant ainsi, il a voulu comme ça l'appuyer son argent? Wa alaykum salam. La bal hadhihi wasilatun tayyibatun liistithmar al-mal wa 'adam ta'tilih. Non, par Allah, ça c'est un moyen et un noble moyen pour fortifier cet argent et pour augmenter cet argent. ولكن ليس بالاستثمار المفهوم عندنا عرب لصوم هنا بيد خلق الدا وقدا عرب لصوم لا تجي غادي يجيبو قدا وقدا ولا لا ce n'est pas cette façon de faire travailler l'argent qui évolue ici comme bloque l'argent ici va te rapporter tant fais avec ça ça va te rapporter tant là. هذا إنه استثمار للدار الآخرة. استثمار في الدار الآخرة. فورتيفي لارجون مي دون لو دولا. أوغمونتي كي لو غادوني إيسي مي با إيسي لابا. انظر إلى ما من يملكون الآلاف كيف أضاعوا آخرتهم. انظر. Et médite maintenant la situation de ceux qui ont 10 millions et 10 millions, comment ils ont perdu leur, ils l'appuient leur au-delà. Innahum ala al-qawa'id al-tijariya lam yuhsin istikhdama amwalihim bal jammaduha. Ceux-là, qui ont les millions, etc., et qui ont négligé leur au-delà, ceux-là, ce sont les règles du commerce. Ils n'ont pas bien utilisé Ils n'ont pas bien fait travailler leur argent, mais ils l'ont plutôt bloqué. كيف ذلك؟ Comment? هذا الذي يملك المبالغ الضخمة العظيمة ماذا سيصرف هو وأبناؤه منها في الطعام والشراب واللباس والبناء ونحو ذلك؟ هذا جعل اللي عنده قاعد الدنيا دي أشبه كلها ولا ولده في نهاره ولا خسره ولا فهمه وش حارب الدين فتسكنه celui qui maintenant qui a ses sommes colosse qu'est-ce qu'il va manger lui dans sa journée ou là dans son haleine ou dans son mal lui ses enfants et tout ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils vont manger qu'est-ce qu'ils vont construire où qu'est-ce qu'il هل سيأخذ أكثر من حاجته في الأكل والشرب وفي السكن هذه يأخذ أكثر من ذلك الشيء اللي بقى تذكر شو بل أكثر من ذلك الشيء هذه غادي يسكن أكثر منه ها وين يسكن ذا prendre plus qu'il n'a besoin ou qu'est-ce qu'il va manger ها il va manger plus que ce que le contient son ventre ses enfants aussi Là où il va habiter combien hein? L'endroit qu'il va habiter, il va habiter Chalgao. Ça va dire tout. Wa man alladhi istafadahu min al-baqi. Qu'est-ce que maintenant il gagne de ce qu'il a laissé الاحتفاظ بأرقام وهمية فقط لا تغير في حياته إلا السمعة والرياء يبقى هذاك إلى أنه فلان راه ملياردير وهذاك مليونير وهذاك بليونير سمعة وخرج الجورنال هذا بليونير وهذا مليونير وهذا خرج الجورنال ديال الجيت ست ثلاث جديس فقط كيف كي لغاني دي توسا دي شيفخ اللي زوا شيفخ كولوك كي نشانج غير دون تنزي أطار لستنتاسيون إلى فات كي جان دي ولا دون الجورنو هذا إلى ملياردير هذا إلى مليونير هذا إلى التال مليار هذا هو بوان فينال ولا دون هذوك لي غوفي ديال لا جيت سيت ولا لا جيت ديس ولا كم سيارة يركب من يملك مئات ألف سيارة قاع شحال سيارة باش ما يركب عندنا قاع عنده ألف سيارة شحال نحتاج باش ما يركب بتقسم هو على ألف شحال نحتاج باش ما يركب ولكنه قاعد يزور إلى ميل فواتير كومبيا يفا مونتي دو فواتير ميل باش ديفيزيون ميل بي وميل بوختو بوغا غونتخي دون سيلا دون سيلا دون سيلا دون سيلا في كيدي الله وعليكم السلام فليكن لكل فرد سيارة ولن ننسى الاحتياط أيضا ولكن أركب مئة ألف سيارة في الدار ديالو في الإياب ديالو يكون شكا إيسا فواتير سي بار بروبليم البروبليم لي بالا مي اسكو مانتنو اون بيرسون فا مونتي ميل فواتير ولا 500 فواتير ولا كومبيان فواتير أيضا كاراج وإذا موضع أمامه الغذاء مئة دجاجة مشوية باع طيب حاسة أنا أجبتها محسن هذه ومئة خروف مشوي فماذا سيكون منها؟ تجبرك من لقاء أطب لقاء تحتاج وعمره عليه بالوزن وبيبي والدجاج والعجل وقل له قاعد تلغزان والعاون كل شيء جابوه له حتى لا شعر ما يأكل قاعد الرجل داك الشيء اللي بغيتي امراه يديك لك القيمه ويت كاع داك الشيء اللي بقيت يشوف في عيني ومنك وكثير ايسيو مانتو ديبوزي تاب دوفون لي يا سون بولي غريي يا مشوي دو موتو مشوي دو بوف دو دافير كاع دو شامو دو دروماديغ ولا قاعد ديال الشوفار ها et toutes sortes de, d'animaux, hada de la mer, hada du fleuve, hada de la terre, du désert, hada que tu lui mets devant lui, combien il va manger? Là, c'est une petite poche dans laquelle il va rentrer. Il est petit. Combien il va rentrer dedans? Hein? Am yaqdi wa tarahu min al mawjoud wa yabar al baqi. Il va prendre un petit chouïa au col chez Abibra. فلو أن هؤلاء الأغنياء والأثرياء والموسورين أنفقوا في سبيل الله لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم فكان الثراء حليفهم في الدنيا والآخرة. لو كان هؤلاء ينفقون في سبيل الله لكان خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة. يستغيش ها كون لا فاسيليتي ليزونس. Dépenser sur le santé de l'Azawajal, ça aurait été mieux pour eux dans ce bas monde et dans le-delà. Et la richesse va les accompagner dans ce bas monde et dans le-delà. ثم لا استحق هؤلاء الحسد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق على الليل وعلى النهار. Et si ils étaient comme ça à dépenser sur le sentier de l'âge, ils auraient mérité quand qu'on les envie. Comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, Allah yibarak fik, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit qu'il était fait en mort. Ils auraient mérité le fait de les envier. Hein? Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'envie que deux. Il n'y a que deux à envier, sinon toute jalousie est interdite, sauf ces deux cas-là. Un homme à qui Allah il a donné le Coran, il a compris le Coran durant la nuit, durant le jour. Sa vie s'accomplit avec le Coran, etc. Il y a un homme à qui Allah il a donné une fortune, et il la dépense la nuit et le jour pour Allah Azza wa Jalla. Ce sont les deux qu'on a le droit d'envier. Sinon, cette forme de jalousie, etc., est interdite, sauf dans ces deux cas-là. Donc si cela est dépensé sur le cerveau de là, ils auraient mérité qu'on ait envie d'être comme eux. Hein? وَمْبُرْ كَذَارِكَ أَيُّ زَوْجَتِينَ هَوِي تَنَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَجْتَهَا سلام عليكم بحتي هذه مشي واحد. شوف العيادة جاولي اللي بغيتيها انطلقها ولا سملت العدة ديالها تزوجها. فين عمرك سمعتي هذه انت؟ فين عمر هذا في التاريخ ديال الامم كلهم منذ ان وجدت البشريه الى يوم الناس هذا؟ ها؟ لا ماشي على اربعه ولا على ثلاثه، علاش تخلى لي على ديالته وخلى لي نخلى انا نطلقها فيها انت ملي تكمل العده ديالها تزوج بها انت؟ فين هذا الرجل اللي بغى يدير هذه دروكا؟ وفي نوع أبرز اللي كان قبل عليها قاعد يكتاب لما كان لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا غاز سوي سي هو غاز هو غاز نفا سل كتي دي لكي تي انفي موا جو لا ديفورس اون فوا كي لورا تيرميني سا عدة تي لا برون كوم ايبوز. Est-ce que tu as entendu parler de ça dans l'histoire de l'humanité? Les communautés bien avant les musulmans et les communautés qui sont arrivées après. Ce cas-là n'est pas rentré dans l'histoire que par Rabi, par un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Je te la laisse. Il est l'homme maintenant qui va dire je te laisse ma femme. Et alors je vais la divorcer. Regarde parmi mes femmes, celle qui est, hein, qui te plaît, je te la laisse. Je la divorce. Et une fois qu'il aura terminé ta état, il est halal pour toi. Hein? Alqa. قائل هذا من البشر؟ هذا اللي قال هذا الكلام من البشر؟ هل قائله من لحم ودم؟ واش هذا اللي سيري كي هذه سي باغول سي ان اتر هيومان؟ سيري كي هذه سي باغول اسكو سي كيلكان شير اون اوت؟ هل هذه حصلت؟ هل هذه القصه حصلت في عالم الواقع؟ اسكو سي تيستوار تاريفي اون رياليتي؟ اجل اجل وقعت قائله من البشر جسمه من لحم ودم ولكنه عاش مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. Certes, Cette histoire est arrivée dans l'humanité. Cette histoire est arrivée à un homme en chair et en os. Mais cet homme, il a cette particularité, c'est qu'il a dit, il vit avec le livre d'Allah. Il a été éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam. Sa particularité, il est là. Le livre d'Allah, et il est éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam. Tout simplement. عاش مع العلم والعمل والإخلاص. عاش مع العلم والعمل والإخلاص. Il a vécu avec la science, la mise en application et la sincérité. Voilà sa particularité. شعور باللذة وهو يفرج كربة أخيه. تشعر باللذة وتلتذت أشكو بيفرج على أخوه. ما حنا دابا كنا تقول اش تيشطر عليه؟ لا عندك دير بحالو باش ما تطيحش فيها حتى انت. ها؟ واش يعاونوا ولا؟ عندك دير بحالو باش ها؟ عندك. Le sentiment, hein, le goût X qui est dans son cœur, au moment où il va délivrer son frère des difficultés dans lesquelles il est là. Hein? C'est pas comme nous maintenant, comme nos contemporains maintenant. Attention, Andak, ne fais pas comme lui pour qu'il ne t'arrive pas ce qui lui est arrivé. Et de l'aider à sortir de là, et de l'aider à sortir de son impasse, etc. Matériellement, moralement, c'est Allah. Ouais. Elle a un bac maintenant. Un bac là, son halo. Attention que tu ne tombes pas. Il s'agit d'une belle mouta. Wawa, il a fait son moufaba. Il prend plaisir à aider. Ridwanullah alayhi. Ma kana mitlu ha'ulai liyazhadu binisa'ihim. Lianahum kanu khiyar al-nas wa fadilahum wa kanu khayr al-nas li binisa'ihim. C'est là. C'est des gens qui étaient bons avec leurs femmes. Donc ils ne pouvaient pas les donner comme ça. Mais comme ils étaient nobles dans leur esprit, ils étaient éduqués par le prophète alayhi sallam, même la femme, il allait la déverser et que son frère la prend comme il pouvait. Wa amtaluhum la yansawna qawluhu sallallahu alayhi wa sallam khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Khayrukum. هذه ما كانش تنساو كلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تيقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. راه بغيتي تشوف القيمة ديالك، شوف شحال أنت تيدير أنت معمرين الدار. إذا كنتي سبع راه داكشي اللي كاين. إوا إذا كنتي وحش راه داكشي اللي كاين. يا إذا كنتي لونة وكذا راه هذيك هي الحقيقة، لأن هذوك أنت ديما معاهم. وأنا على برا وأنت تنتلاقاهم تصنع عليك وتصنع عليا. خمسة دقائق عشرة دقائق وتفارقنا، ولكن هذيك اللي قاعدة تبقى الدار راه الصباح والعشية وفي الليل وفي الربعة الصباح وفي كذا والدراري فاقوا وهذا عنده الدرصة وهذا انت تما تبان الخيرية. ماشي ملي نتلاقى معاك السويقة ونتلاقى معاك السوبر ماركت ايه دهن عليا وندهن عليك سهلة هذيك 5 مينوت 10 مينوت 20 مينوت سهلة وظريفة. Et l'exemple de cela ne sont pas des gens qui oublient cet enseignement du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit les meilleurs parmi vous ce sont les meilleurs avec les leurs, les meilleurs avec leur famille, leur femme. Ça ce sont les meilleurs parmi vous, ceux qui sont meilleurs avec les leurs. Tu veux ton baromètre pour savoir si tu es un homme de bien ou si tu es sur le bien et que tu es d'un bon comportement, etc. Ton baromètre il est à l'intérieur. Regarde comment tu es avec la femme et les enfants. Regarde comment tu es avec ta famille à l'intérieur. Parce que cela, H24 tu es avec au milieu de la nuit, au petit matin, hein, dans l'après-midi, etc. Hein, le petit qui se réveille parce qu'il a mal aux dents, il manque ceci, il manque cela, hein, H24. Mais moi et toi, quand on se rencontre dans la rue, on se rencontre pour 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, on peut fabriquer des comportements. Et on peut fabriquer des faces. Un quart d'heure, 20 minutes, une tour est jouée. Mais si tu veux, c'est pas ça le barème de la bonté. et du fait d'être bon. Le barème, Rasulullah Azim l'a donné. Khairukum, khairukum, li'ilé. Regarde, à l'intérieur, comment tu es. Si tu es un lion là-bas, voilà, c'est ça. Un sauvage là, hein. Ah, si tu es d'un bon comportement là, d'accord, je suis déconné. Hein? Le baromètre, il est là. إنهم مع هذا الحب الجم يؤثرون رضوان الله عليهم على هذا الود. Malgré l'amour qu'ils avaient pour leur femme, ils passaient les besoins de leurs frères, ils donnaient la priorité aux besoins de leurs frères avant. إنهم مع رقة مشاعرهم وصدق أحاسيسهم ووفائهم لنسائهم يؤثرون إخوانهم وأحبابهم طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. Malgré, ذاك الحب ديال الأهل ديالهم وكل شيء ذاك الشيء اللي فيهم تيفضلوا يسهلوا على إخوانهم. علاش؟ طمعا فيما عند الله، يريدون ذاك الشيء اللي عند الله سبحانه وتعالى. Avec les sentiments qu'ils avaient, et avec la véracité de leurs sentiments, et ils étaient dignes, ils étaient confiants, ils avaient la confiance en leurs femmes, ils aimaient leurs femmes, etc. Ils passent leurs frères avant tout ça. Pourquoi? Par envie de Allah subhanahu wa ta'ala a. Par envie de Allah subhanahu wa ta'ala a. Hein? J'ouvre une parenthèse ici. Donc, Hadara, c'est pas la voix de Sophia qui certains disent au Mouride. Quand tu te maries, c'est moi qui passe en premier pour la nuit de noces. Là, Hadara, loin de là. Hadara, c'est l'Hadar Billah. C'est pas ça. Hadara, il divorce sa femme. Et une fois qu'il aura terminé la période, à ce moment-là, le frère, il se marie avec elle. Avec un acte. عندك انا كنت عاود بغا تخربق فيها بارا ميلونجي اي لون بروميري دير فيها العقادي با كري دينو لا و يونا با تخبر فيها. اسمعوا يا من تبحثون لبناتكم عن ازواج اثرياء غير سائلين عن دينهم. اسمع راه غدا غادي تولي بات ياك محسن. اسمع غدا راك غادي تولي بات. ايوا عرف اش بغيتي تزوج بنتك ولا من بغيتي تزوج بنتك. ها لا تمشي تقلب ليها على مول العود معلف عنده. تعرف العود المغاربه تيعرفوا العود باش كاين واحد العود ديال البنك الشعبي هذا عالم ولا باش يعلف. عندك قلب على هذاك اللي معلف وتخلي الدين وياك ثم وياك. راه الى ما كاين الدين مشى كلشي طيح في الامانه كلشي مشى فرصو ضاعت مسكينه وضيع فيها. Écoute, toi maintenant qui va chercher, là qui cherche à marier tes filles avec des maris qui sont fortunés. Toi et moi demain, on viendra frapper à notre porte, marie-nous ta fille. Regarde avec qui tu vas la marier. On va pas chercher la fortune. On l'a comme on voit les Marocains, ils voient ce qu'il est bien gavé, comme le cheval vient de la Banque Populaire. S'il est bien gavé, c'est le portefeuille, mes enfants. Là. Regarde la religion. Regarde la religion. Avant tout parce que c'est, tu cherches la fortune et qu'il n'y a pas la religion, tu as perdu l'amana. Tu as perdu l'amana. اسمعوا يا من تبحثون لبناتكم عن ذوي الجاه والمناصب والسمعة قول سعد رضي الله عنه. Écoutez-vous qui cherchez pour vos filles ceux qui ont des rangs sociaux dans la société, des hauts postes, des hauts fonctionnaires, qui qui ont une réputation, qui sont connus dans la société. Qu'est-ce qu'il a dit Saad radiallahu anhu? اسمعوا يا من تتعذرون بالمعاذير الكاذبة عندما يأتي الفقراء يخطبون بناتكم. معاذير استكمال الدراسة وأخواتها من الأكاذيب، تنازل عن الأموال للنساء، تنازل عن الأموال والنساء، فهل لا تنازلنا من أموالنا للفقراء والمساكين والمحتاجين؟ Entendez-vous qui cherchez des excuses? Des excuses, bien sûr, mensongères. Quand vous ne voulez pas marier vos filles aux pauvres qui viennent les demander. Les excuses sont. Il faut qu'il termine ses études. Attends qu'il termine ses études. Il vient de commencer. Peut-être qu'il a encore 5-6 ans. Hein? Attends qu'il termine ses études. Hein? Et parmi les fausses excuses et les mensonges. فالصحابي هذا تنازل عن المال وعن النساء. الصحابي l'argent ne coûtait pas à son esprit, ne vaut rien à son esprit. En plus, il allait divorcer aussi sa femme pour son frère, pour que son frère puisse se marier avec. Est-ce que maintenant, nous, on va laisser un peu de notre argent aux pauvres et à ceux qui en ont besoin? هلا ساعدنا الشباب الضامئ للزواج يغض بصره ويعف نفسه ويحصن فرجه. وش هذا الشباب منعونه باش يتزوجوا؟ لا، راه الا ما عاونتي على الزواج فضيحه. كي غادي يدير هذا الانسان يصبر؟ كيف سيحفظ فرجه؟ كيف كيف كيف؟ Est-ce que nous allons pas aider ces jeunes qui sont assoiffés de mariage, qui ont besoin du mariage pour être protégés dans leur vie, et pour qu'ils aient de la chasteté, et pour qu'ils préservent leur regard, hein? Et pour qu'ils ne tombent pas dans le haram. Là, si on ne les aide pas à se marier, le façade dans la communauté. Propagation des zina, les maladies, etc. Et vas-y, toi, t'en finis pas. Nous aidons avec l'amour et avec les manas. Il faut les aider avec l'argent et avec ce que nous pouvons. Là, nous عقد امامهم الزواج بالمؤجل والمعجل وإقامة الحفلات. Tu sais ce que c'est le مؤجل والمعجل? راه فضيحه. تبزع قدا وقدا وتبقى القيدة عليك قدا وقدا. قيدنا عليك 50,000 يورو، زعتينا 20,000 يورو، تبقى الصداق وتبقى عليك 30,000. هذا المؤجل والمعجل. ياك؟ ولا الصال زيد عليها 1,000,000 يورو وانت غادي ارضيها وتلقوا في نهار الثالث ديال العز تلقوا في رق الجوقة. علاش؟ ايوا راه من بركة المرأة. ها يسري مهرها يكون المهر ديالها سهل، هذا كل البركة ديال المرأة. أما إلى بدات زعليا ب50,000 و60,000 وكذا وكذا، راه القضية راه صلاح به. ما أنت ستي مسكين يدير القرنيطة يقفل الكريدي ويقش راسو ويبدا حياته بالريبة، وبغيتي شي خير يطلع عاش من خير بغا يطلع تحت في كل شيء الهلاك كامل. Est-ce que nous n'allons pas faciliter le mariage à ces jeunes sans faire ce qu'on appelle c'est-à-dire ce que tu donnes tout de suite au niveau de la dot, est-ce qu'il reste qu'on transcrit sur l'acte de mariage? Et des fois les sombres là, tu tombes debout. 50,000 c'est l'annonce, 50,000 euros c'est l'annonce de la dot. Tu donnes tout de suite 20 000 et 30 000 là, on te l'écrit là, au fur et à mesure. plus la salle des fêtes, plus ça. Voilà, tu calcules la salle des fêtes, 2000 euros, voilà, 1000 euros, tatati, pour la location, les assiettes, tatati, la garante. Hein, t'en finis pas. Adam Skinil commence pour rentrer dans la vie conjugale, avec un crédit, avec un intérêt, tu lui mets la corde dans le cou. Et des fois, en général, ce genre de mariage, au bout de la septième nuit, il est parfait. La dispute. Les disputes, comment veux-tu créer de la bénédiction dedans? Alors que le prophète alayhi salam nous a enseigné que, hein, c'est partie de la bénédiction de la femme quand sa dot est légère, hein, il est supportable et qu'il n'est pas faramineuse. Hal min souqin fihi tijara, qala souq qaynuqa. لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة هكذا قال عبد الرحمن بن عوف لابن الربيع رضي الله عنهم جميعا إنما قال لو هادي مسمالي وأتنازل لك عن الزوج قال لي واش كاين شي سوق كاين فين نبيعو ونشريو ها ما حاجة في كاع هذاك الشيء اللي قلتيه رورينا ما غير السوق فين نبيع ونشري إسكو يا مارشي يا دي كون بو فير دي كوميرس الرباع اللي يجي بني قينقاع il lui a proposé la femme et la moitié de sa fortune. Il a dit non, j'ai pas besoin de tout ça, montre-moi tout simplement le chemin du marché pour faire du commerce, point final, c'est tout ce que je te demande. لم يستغل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخاه ولم يقل في نفسه إن أخي أكثر الناس مالا فلو أخذت شيئا منه لما ضره. لم يقبل المال فكيف به يقبل أهله؟ بيد أنه سأله عن السوق حتى لا يرزأ منه شيئا وليسد حاجته ويسر نفسه بنفسه. ما استغل هذه التضحية ديال عبد الرحمن بن عوف؟ ما استغل التضحية ديال خوف؟ ها؟ ما قال في نفسه يقول قلت ما عنده بعد هذا المصيص هذا بعد نديره لتحت خليه تحت منا بعدا ها واحد شويه بعدا علاش نتكاو ها راه ما غادي يضرو بشيء الا قلت ننص لانه اكثر من قرطوه وما قبل المال كيفاش غادي يقبل ليه باش يطلق المراه ديالته وتجوجها هو الا كملت ليها العده ولكن سولو قال له وريني السوق باش يمشي هو براسو يقضي الغرض الراسو وما يتقل على خوف. هذاك عطانا درس من جهه وهذا بقنا من جهه اخرى. هذاك عطانا درس في التربيه في التضحيه وهذا اللي يبين لك كيف الانسان يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالاسباب. ها لا موقف الربيع ولا موقف عبد الرحمن بن عوف كلهما دروس. واذا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقولون وكل ما يفعلون وكل ما اوتر عنهم درس للامه الى ان يرث الله سبحانه وتعالى الارض ومن عليها. هذا عبد الرحمن بن عوف الى بروفيتي دو لا سيتياسيون دو سون فرير الرباعي الى سي با ليون لي مام ها مون فرير الى بوكو دارجون سي سيلي كي بلوس دارجون ا ميدي دونك جو برون لا موتي سي مي فرير او كامل. Comme ça, cette moitié, je l'ai en attendant. Je m'appuie sur cette moitié, je l'ai en attendant. Hein? J'ai une sécurité en attendant. Une réserve. Hein? Il n'a pas accepté son argent. Comment veux-tu qu'il accepte que son frère divorce sa femme? Mais dans le sens contraire, il a dit, où se trouve le marché? Montre-moi le marché. Pour qu'il ne soit pas un fardeau pour son frère. Et pour qu'il aille, hein, utiliser les moyens et ramener. Du deux côtés, on apprend une leçon. Du côté de Rabé, on a la leçon du sacrifice. À quel degré rien ne vaut rien à leurs yeux. Hein? Et de l'autre côté, la leçon que Abd al-Rahman n'a pas profité de l'occasion. Hein? Maintenant, ces deux situations se présente, comment la situation va être? Hein? Il sera comme s'il s'il là. Ah, peut-être avant qu'il lui ait demandé, oh, voilà, achetez, t'as vu, toi, ce que t'as eu, Hirschna. Hirschna. Hein? Ah, Maintenant la situation chez nous, quand on la voit, il est différent. Là, il voit son frère ou Kada, il dit, etc. S'il lui dit pas en vain, il va le dire à quelqu'un qui est son copain, là, qui est proche de lui. Il dit, ah, t'as vu mon frère, il a mis même pas un petit truc. Même pas, il nous asperge un petit peu du bien ce qu'il a. Voilà. Mais donc le phare, mais je me jure. Et elle commence à le pas. Voilà. Nile. Genre. Hein? Ne sentira pas, il fera, il ne goûtera pas. Le sourire ne goûtera pas non plus. Il commence à dire du mal sur le frère. On l'a sur son frère. Là. Hein? Ah, c'est notre réalité là. Il ne faut pas. وكذلك فعل رضي الله عنه وبارك الله له. ويسر الله سبحانه وتعالى له الزواج والله تعالى في عون من أراد النكاح ليعف نفسه وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله تعالى عونهم الناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء والغازي في سبيل الله. Ainsi l'a fait عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه. Il partit au marché, Allah سبحانه وتعالى lui a dit. Et Allah aussi lui a facilité le mariage. Le moment il a fait le commerce, il a gagné de l'argent. Et en même temps, il y a eu le mariage. La facilité au niveau du mariage aussi. Et Allah سبحانه وتعالى aide ceux qui veulent se marier pour être chaste, pour se préserver. Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Hein? Dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, par Nasa et par Numaja et d'autres. Trois, Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Haqqun ala Allah. Qui les aide? C'est celui qui cherche à se marier pour se préserver, pour être chaste. Hein? Mukatib, c'est-à-dire l'esclave, qui a écrit un acte avec son monsieur, celui qui sait lequel est sa tutelle, etc. Il a fait le contrat avec, comme quoi, pour une certaine durée de travail, ou pour une certaine somme, il soit libre. Une fois qu'il s'acquitte de cette somme, qu'il soit libre. Et ce mukatib, quand il a l'intention de payer, là, il exauce. Là, subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Hein? Et celui qui est sur le sentier de l'Allah, c'est-à-dire sur le terrain de combat. Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur exauce. Hadi yannufus l'afifa al-naqiyya al-tahira. Hadi yannufus al-safiyya al-tayyiba. Laqad sajjala hadan al-sahabiyan al-jadilan. Mawaqif mudhi'a fi safahat al-tariq. ستظل تشرق في النفوس فتحفزها على الإيثار والوفاء والعمل الطيب والتوكل على الله تعالى فبأي منها تشبهت أفلحت بإذن الله عز وجل. وفي هذا يقول الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه إن التشبه بالكرام فلاح. Ces nobles personnes, ces personnes pures et chastes, c'est ce qu'ils nous ont transmis, c'est ce qu'ils nous ont légué. Ces deux compagnons, ces deux nobles compagnons du prophète alayhi salam, ont laissé ces deux positions qui sont à l'intérieur du livre de l'histoire. Et ces deux positions sont une lumière pour pousser les gens. Pour être comme leitmotiv, à pousser les personnes à être dignes et à passer le besoin d'autrui sur son besoin et à être bonne dans ses actes et à s'appuyer sur Allah Azza wa Jal et faire confiance à Allah Azza wa Jal. Et n'importe quel exemple t'as pris parmi les compagnons du prophète alayhi salam, tu vas y arriver inshallah et tu seras dans le bon. Inch'Allah. Tu gagneras, Inch'Allah. N'importe lequel que tu auras pris au monde, tu seras gagnant. Que tu prennes Abdullah ibn Abbas, ou Abdullah ibn Omar, ou Abdullah ibn Mas'ud, ou Omar ibn Khattab, ou Abu Bakr, ou Mu'awiya radiallahu anhuma, ou tu seras toujours le gagnant. Et il est des paroles de certains poètes qui ont dit ressembler. Ressemblez, essayez de leur ressembler, même si vous n'êtes pas comme eux, le fait de chercher à leur ressembler, le fait de chercher à ressembler aux nobles, c'est déjà un gain. Le fait que tu cherches à ressembler à eux, tu as déjà gagné. C'est un gain déjà en soi. Hein? C'est un gain en soi. فكان هذا موقف عبد الرحمن بن عوف بن الربيع رضي الله عنهما ما أدري هذه الثالثة والنصف كوكسي كيف سيعمل قصي جاهز